Jean, au bras de sa mère, se rend chez Madame Rosemilly. Longtemps elle songea, la tête baissée, marchant du même pas que son fils, puis, avec cette voix bizarre qu'on prend par moments, pour conclure, une longue et secrète pensée. C'est vilain, la vie. Si elle ne trouve une fois un peu de douceur, on est coupable de s'y abandonner, et on le paie bien cher plus tard. Il dit très bas, ne parle plus de ça, maman. Est-ce possible? J'y pense tout le temps. Tu oublieras. Elle se tut encore, puis, avec un regret profond, ah, comme j'aurais pu être heureuse en épousant un autre homme. À présent, elle s'exaspérait contre Roland, rejetant sur sa laideur, sur sa bêtise, sur sa gaucherie, sur la pesanteur de son esprit et l'aspect commun de sa personne, toute la responsabilité de sa faute et de son malheur. C'était à cela, à la vulgarité de cet homme, qu'elle devait de l'avoir trompé, d'avoir désespéré un de ses fils et fait à l'autre la plus douloureuse confession dont put saigner le cœur d'une mère. Elle murmura, « C'est si affreux, pour une jeune fille, d'épouser un mari comme le mien. » Jean ne répondait pas. Il pensait à celui dont il avait cru être jusqu'ici, le fils, et peut-être la notion confuse qu'il portait depuis longtemps, de la médiocrité paternelle, l'ironie constante de son frère, l'indifférence dédaigneuse des autres, et jusqu'au mépris de la bonne, pour Roland, avait-il préparé son âme à l'aveu terrible de sa mère. Il lui en coûtait moins d'être le fils d'un autre. Et, après la grande secousse d'émotion de la veille, s'il n'avait pas eu le contre-coup de révolte, d'indignation et de colère, redouté par Madame Roland, c'est que depuis bien longtemps, il souffrait inconsciemment de se sentir l'enfant de ce lourdeau bonasse. Ils étaient arrivés devant la maison de Madame Rosemilly.